Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par la première clarté du jour, par la nuit, quand elle voile tout, ton Seigneur ne t'a point délaissé, ni ne t'a haï. Le monde dernier est pour toi meilleur que le premier. Ton Seigneur te donnera certes ce dont tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, et il t'a alors donné asile? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, et il t'a alors guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, et il t'a alors enrichi? Quant à l'orphelin, ne le persécute point. Quant au mendiant, ne le malmène point. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-les tout haut.